Pensée d'une jeune fille. Ce n'était point sans combat que Mathilde avait écrit. Quel qu'eût été le commencement de son intérêt pour Julien, bientôt il domina l'orgueil qui, depuis qu'elle se connaissait, régnait seul dans son cœur. Mathilde croyait voir le bonheur. Cette vue toute puissante sur les âmes courageuses, liée à un esprit supérieur, eût à lutter longuement contre la dignité et tout sentiment de devoir vulgaire. Ici, elle osait dire qu'elle aimait. Elle écrivait la première, quel mot terrible, à un homme placé dans les derniers rangs de la société. Cette circonstance assurait, en cas de découverte, un déshonneur éternel. Mais tout cela n'était rien encore. L'angoisse de Mathilde avait d'autres causes. La profondeur, l'inconnu du caractère de Julien, eussent effrayé, même en nouant avec lui une relation ordinaire. Et elle allait en faire son amant, peut-être son maître. Quelles ne seraient pas ses prétentions si jamais il peut tout sur moi? Eh bien, je me dirais comme Médée, au milieu de tant de périls, il me reste moi. Julien n'avait nulle vénération pour la noblesse du sang, croyait-elle. Bien plus, peut-être il n'avait nul amour pour elle. Ce fut dans cet instant que le départ de Julien vint tout précipiter. De tels caractères sont heureusement fort rares. Le soir, fort tard, Julien eut la malice de faire descendre une malle très pesante chez le portier. Il s'endormit fort gai sur cette plaisanterie. Mathilde ne ferma pas l'œil. Le lendemain, de fort grand matin, Julien sortit de l'hôtel sans être aperçu, mais il rentra avant 8 heures. À peine était-il dans la bibliothèque que Mademoiselle de La Mole parut sur la porte. Il lui remit sa réponse. Il pensait qu'il était de son devoir de lui parler. Rien n'était plus commode, du moins, mais Mademoiselle de La Mole ne voulut pas l'écouter et disparut. Julien en fut charmé, il ne savait que lui dire. « Je serais un peu plus sot qu'il ne convient si jamais je me laissais entraîner à avoir du goût pour cette grande poupée blonde. » Ce raisonnement le laissa plus froid et plus calculant qu'il n'avait jamais été. « J'ai fort mal fait de rester à Paris. Cette remise de mon départ m'avilit et m'expose si tout ceci n'est qu'un jeu. Quel danger y avait-il à partir? Je me moquais d'eux s'ils se moquent de moi. Si son intérêt pour moi a quelque réalité, je centuplais cet intérêt. » Lorsque vers les 9 heures, Mademoiselle de La Mole parut sur le seuil de la porte de la bibliothèque, lui jeta une lettre et s'enfuit. « Il paraît que ceci va être le roman par lettre, » dit-il en relevant celle-ci. « L'ennemi fait un faux mouvement. Moi, je vais faire donner la froideur et la vertu. » On lui demandait une réponse décisive avec une hauteur qui augmenta sa gaieté intérieure. Il se donna le plaisir de mystifier, pendant 2 pages, les personnes qui voudraient se moquer de lui, et ce fut encore par une plaisanterie qu'il annonça, vers la fin de sa réponse, son départ décidé pour le lendemain matin. Cette lettre terminée, le jardin va me servir pour la remettre, pensa-t-il. Et il y alla. Il regardait la fenêtre de la chambre de Mademoiselle de La Mole. Mais quoi ? Se dit Julien avec humeur. Encore une imprudence ? Si l'on a entrepris de se moquer de moi, me faire voir une lettre à la main, c'est servir mes ennemis. » Mademoiselle de La Mole parut derrière sa vitre. Il montra sa lettre à demi. Elle baissa la tête. Aussitôt, Julien remonta chez lui en courant et rencontra par hasard dans le grand escalier la belle Mathilde qui saisit sa lettre avec une aisance parfaite et des yeux riants. « Que de passion il y avait dans les yeux de cette pauvre Madame de Rênal, » se dit Julien. Quand, même après 6 mois de relations intimes, elle osait recevoir une lettre de moi. De sa vie, je crois, elle ne m'a regardé avec des yeux riants. En apercevant Mademoiselle de La Mole, à 30 pas de distance, un homme de goût devinerait le rang qu'elle occupe dans la société. Tout en plaisantant, Julien ne s'avouait pas encore toute sa pensée. Madame de Rênal n'avait pas de marquis de Croisenois à lui sacrifier. À 5 heures, Julien reçut une 3e lettre. Elle lui fut lancée de la porte de la bibliothèque. Mademoiselle de La Mole s'enfuit encore. « Quelle manie d'écrire, » se dit-il en riant, « quand on ne peut se parler si commodément. L'ennemi veut avoir de mes lettres, c'est clair, et plusieurs. » Mais il pâlit en lisant. il n'y avait que 8 lignes. « J'ai besoin de vous parler. Il faut que je vous parle, ce soir. Au moment où 1 heure après minuit sonnera, trouvez-vous dans le jardin. Prenez la grande échelle du jardinier auprès du puits. Placez-la contre ma fenêtre et montez chez moi. Il fait clair de lune, n'importe. » Est-ce un complot ? Ceci devient sérieux, pensa Julien, et un peu trop clair, ajouta-t-il après avoir pensé. C'est clair, on veut me perdre ou se moquer de moi, tout au moins. Ces jolis petits messieurs me croient aussi trop bête ou trop fat. Je serais beau sur mon échelle. Julien monta chez lui et se mit à faire sa malle en sifflant. Il était résolu à partir et à ne pas même répondre. Mais cette sage résolution ne lui donnait pas la paix du cœur. Il fut 1 quart d'heure à réfléchir. « À quoi bon le nier ? » dit-il enfin. « Je serai un lâche à ses yeux. Ce remords va me poursuivre toute ma vie, non pour elle. Il est tant de maîtresse. Mais il n'est qu'un honneur. » Il réfléchit longtemps. Il se promenait à pas précipités, s'arrêtant tout à coup de temps à autre. « Au pire, se dit enfin Julien, supposons que tout ceci soit un piège. Il est bien noir et bien compromettant pour une jeune fille. Mademoiselle de La Mole est si enviée. 400 salons retentiraient demain de sa honte, et avec quel plaisir. D'un autre côté, ses lettres. » Julien fit des copies des 2 dernières, les cacha dans un volume du beau Voltaire de la bibliothèque et porta lui-même les originaux à la poste. Quand il fut de retour, « Dans quelle folie je vais me jeter ?» se dit-il avec surprise et terreur. « Mais si je refuse, je me méprise moi-même dans la suite. Au fond, il y a de la lâcheté à ne pas y aller. Ce mot décide tout, » s'écria Julien en se levant. « D'ailleurs, elle est bien jolie. » Il y avait encore bien des heures à attendre. Pour faire quelque chose, Julien écrivit à Fouquet. « Mon ami, n'ouvre la lettre si incluse qu'en cas d'accident, si tu entends dire que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Fais imprimer ce manuscrit, envoie le premier exemplaire à monsieur le marquis de La Mole, et 15 jours après, jette les autres exemplaires de nuit dans les rues de Verrières. » Julien achevait de fermer son paquet lorsque la cloche du dîner sonna. Elle fit battre son cœur. Ému de son propre compte, comme un auteur dramatique, Julien avait réellement peur lorsqu'il entra dans la salle à manger. Il regarda Mademoiselle de La Mole pour lire dans ses yeux les projets de sa famille. Elle était pâle et avait tout à fait une physionomie du Moyen-Âge. Jamais il ne lui avait trouvé l'air si grand. Elle était vraiment belle et imposante. Il en devint presque amoureux.